Il nous revient cette année, il est là spécialement pour vous, avec son talent et sa guitare, ainsi que sa moto. Tout de suite, Johnny Vinas. Bonsoir à tous. Ce soir pour vous, pour l'album de Freak, c'est Johnny Vinas. Pour vous, rock'n'roll! Pour vous, interpréter une chanson d'amour. Pourquoi faut-il que les motos s'en aillent et que le feu me brûle? Et où sont-ils, mon Ricard, ma guitare, et la scène, et la fule? Oui, pourquoi faut-il se dire adieu? Oh, pourquoi faut-il un jour se dire adieu? Pourquoi faut-il qu'on ne revoie jamais un amour de vacances? Pourquoi faut-il que ma moto cassée tire sa révérence? Oh, pourquoi faut-il se dire adieu? Oh, pourquoi faut-il un jour se dire adieu? Oh, si tu reviens, nous aurons pour toujours une vie en couleur, avec DJ Cole, avec Jean-Luc Lapiche, nous vieillirons ensemble. Oh, pourquoi faut-il se dire adieu? Pourquoi veux-tu un jour me dire adieu? Pourquoi un jour se dire adieu? Pourquoi faut-il un jour se dire Yeah.